Introduction à l'étude de la doctrine spirit. Propos de Allan Kardec lui-même. Grand 1. Pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Ainsi le veut la clarté du langage, pour éviter la confusion inséparable du sens multiple des mêmes termes. Les mots spirituel, spiritualiste, spiritualisme ont une acception bien définie. Leur en donner une nouvelle pour les appliquer à la doctrine des esprits serait multiplier les causes déjà si nombreuses d'amphibologie. En effet, le spiritualisme est l'opposé du matérialisme. Quiconque croit avoir en soi autre chose que la matière est spiritualiste. Mais il ne s'ensuit pas qu'il croit à l'existence des esprits ou à leur communication avec le monde visible. Au lieu des mots spirituel et spiritualisme, nous employons pour désigner cette dernière croyance ceux de spirit et de spiritisme, dont la forme rappelle l'origine et le sens radical, et qui par cela même ont l'avantage d'être parfaitement intelligibles, réservant au mot spiritualisme son acception propre. Nous disons donc que la doctrine spirit ou le spiritisme a pour principe les relations du monde matériel avec les esprits ou êtres du monde invisible. Les adeptes du spiritisme seront les spirites, ou, si l'on veut, les spiritistes. Comme spécialité, le livre des esprits contient la doctrine spirit. Comme généralité, il se rattache à la doctrine spiritualiste dont il présente l'une des phrases. Telle est la raison pour laquelle il porte en tête de son titre les mots philosophie spiritualiste. Grand 2. Il est un autre mot sur lequel il importe également de s'entendre, parce que c'est une des clés de voûte de toute doctrine morale et qu'il est le sujet de nombreuses controverses, faute d'une acception bien déterminée. C'est le mot âme. La divergence d'opinion sur la nature de l'âme vient de l'application particulière que chacun fait de ce mot. Une langue parfaite, où chaque idée aurait sa représentation par un terme propre, éviterait bien des discussions. Avec un mot pour chaque chose, tout le monde s'entendrait. Selon les uns, l'âme est le principe de la vie matérielle, organique. Elle n'a point d'existence propre et cesse avec la vie. C'est le matérialisme pur. Dans ce sens, et par comparaison, ils disent d'un instrument fêlé qui ne rend plus de son, qu'il n'a pas d'âme. D'après cette opinion, l'âme serait un effet et non une cause. D'autres pensent que l'âme est le principe de l'intelligence, agent universel dont chaque être absorbe une portion. Selon eux, il n'y aurait pour tout l'univers qu'une seule âme qui distribue des étincelles entre les divers êtres intelligents pendant leur vie. Après la mort, chaque étincelle retourne à la source commune où elle se confond dans le tout, comme les ruisseaux et les fleuves retournent à la mer d'où ils sont sortis. Cette opinion diffère de la précédente en ce que, dans cette hypothèse, il y a en nous plus que la matière et qu'il reste quelque chose après la mort. Mais c'est à peu près comme ici, il n'en restait rien. Puisque, n'ayant plus d'individualité, nous n'aurions plus conscience de nous-mêmes. Dans cette opinion, l'âme universelle serait Dieu et chaque être une portion de la divinité. C'est une variété du panthéisme. Selon d'autres, enfin, l'âme est un être moral, distincte, indépendante de la matière et qui conserve son individualité après la mort. Cette acception est, sans contredit, la plus générale, parce que, sous un nom ou sous un autre, l'idée de cet être qui survit au corps se trouve à l'état de croyance instinctive et indépendante de tout enseignement, chez tous les peuples, quel que soit le degré de leur civilisation. Cette doctrine, selon laquelle l'âme est la cause et non l'effet, est celle des spiritualistes. Sans discuter le mérite de ces opinions, et en ne considérant que le côté linguistique de la chose, nous disons que ces trois applications du mot « âme » constituent trois idées distinctes qui demanderaient chacune un terme différent. Ce mot a donc une triple acception, et chacun a raison à son point de vue dans la définition qu'il en donne. Le tort est à la langue de n'avoir qu'un mot pour trois idées. Pour éviter tout équivoque, il faudrait restreindre l'acception du mot « âme » à l'une de ces trois idées. Le choix est différent. Le tout est de s'entendre. C'est une affaire de convention. Nous croyons plus logique de le prendre dans son acception la plus vulgaire. C'est pourquoi nous appelons « âme » l'être immatériel et individuel qui réside en nous et qui survit au corps. Cet être n'existera-t-il pas, et ne sera-t-il qu'un produit de l'imagination, qu'il faudrait encore un terme pour le désigner? À défaut d'un mot spécial pour chacun des deux autres points, nous appelons deux points. Principe vital. Le principe de la vie matérielle et organique, quelle qu'en soit la source, et qui est commun à tous les êtres vivants, depuis les plantes jusqu'à l'homme. La vie pouvant exister, abstraction faite de la faculté de penser. Le principe vital est une chose distincte et indépendante. Le mot « vitalité » ne rendrait pas la même idée. Pour les uns, le principe vital est une propriété de la matière, un effet qui se produit lorsque la matière se trouve dans certaines circonstances données. Selon d'autres, et c'est l'idée la plus commune, il réside dans un fluide spécial, universellement répandu, et dont chaque être absorbe et s'assimile une partie pendant la vie, comme nous voyons les corps inertes absorber la lumière. Ce serait alors le fluide vital qui, selon certaines opinions, ne serait autre que le fluide électrique animé, désigné aussi sous le nom de fluide magnétique, fluide nerveux, etc. Quoi qu'il en soit, il est un fait que l'on ne saurait contester, car c'est un résultat d'observation. C'est que les êtres organiques ont en eux une force intime qui produit le phénomène de la vie, tant que cette force existe. Que la vie matérielle est commune à tous les êtres organiques et qu'elle est indépendante de l'intelligence et de la pensée. Que l'intelligence et la pensée sont les facultés propres à certaines espèces organiques. Enfin que, parmi les espèces organiques douées de l'intelligence et de la pensée, il en est une douée d'un sens moral spécial qui lui donne une incontestable supériorité sur les autres. C'est l'espèce humaine. On conçoit qu'avec une acception multiple, l'âme n'exclut ni le matérialisme ni le panthéisme. Le spiritualiste lui-même peut très bien entendre l'âme selon l'une ou l'autre des deux premières définitions, sans préjudice de l'être immatériel, distinct, auquel il donnera alors un nom quelconque. Ainsi, ce mot n'est point le représentant d'une opinion. C'est un proté que chacun accommode à sa guise. De là, la source de tant d'interminables disputes. On éviterait également la confusion, tout en se servant du mot âme dans les trois cas, en y ajoutant un qualificatif qui spécifierait le point de vue sous lequel on l'envisage, ou l'application qu'on en fait. Ce serait alors un mot générique représentant à la fois le principe de la vie matérielle, de l'intelligence et du sens moral, et que l'on distinguerait par un attribut, comme le gaz, par exemple, que l'on distingue en ajoutant les mots hydrogène, oxygène ou azote. On pourrait donc dire, et ce serait peut-être le mieux, l'âme vitale pour le principe de l'intelligence et l'âme spirit pour le principe de notre individualité après la mort. Comme on le voit, tout cela est une question de mots, mais une question très importante pour s'entendre. D'après cela, l'âme vitale serait commune à tous les êtres organiques, plantes, animaux et hommes. L'âme intellectuelle serait le propre des animaux et hommes. Et l'âme spirit appartiendrait à l'homme seul. Nous avons cru devoir insister d'autant plus sur ces explications que la doctrine spirit repose naturellement sur l'existence en nous d'un être indépendant de la matière et survivant au corps. Le mot « âme » devant se produire fréquemment dans le cours de cet ouvrage, il importait d'être fixé sur le sens que nous y attachons afin d'éviter toute méprise. Venons maintenant à l'objet principal de cette instruction préliminaire. Grand 3. La doctrine spirit, comme toute chose nouvelle, a ses adeptes et ses contradicteurs. Nous allons essayer de répondre à quelques-unes des objections de ces derniers en examinant la valeur des motifs sur lesquels ils s'appuient, sans avoir toutefois la prétention de convaincre tout le monde. Car il est des gens qui croient que la lumière a été faite pour eux seuls. Nous nous adressons aux personnes de bonne foi, sans idées préconçues ou arrêtées quand même, mais sincèrement désireuses de s'instruire. Et nous leur démontrerons que la plupart des objections que l'on oppose à la doctrine proviennent d'une observation incomplète des faits et d'un jugement porté avec trop de légèreté et de précipitation. Rappelons d'abord, en peu de mots, la série progressive des phénomènes qui ont donné naissance à cette doctrine. Le premier fait observé a été celui des objets divers mis en mouvement. On l'a désigné vulgairement sous le nom de table tournante ou danse des tables. Ce phénomène, qui paraît avoir été observé d'abord en Amérique, ou plutôt qui s'est renouvelé dans cette contrée, car l'histoire prouve qu'il remonte à la plus haute antiquité, s'est produit accompagné de circonstances étranges, telles que bruit insolite, coup frappé, sans cause ostensible connue. De là, il s'est rapidement propagé en Europe et dans les autres parties du monde. Il a d'abord soulevé beaucoup d'incrédulité, mais la multiplicité des expériences n'a bientôt plus permis de douter de la réalité. Si ce phénomène eût été borné au mouvement des objets matériels, il pouvait s'expliquer par une cause purement physique. Nous sommes loin de connaître tous les agents occultes de la nature, ni toutes les propriétés de ceux que nous connaissons. L'électricité, d'ailleurs, multiplie chaque jour à l'infini les ressources qu'elle procure à l'homme et semble devoir éclairer la science d'une lumière nouvelle. Il n'y avait donc rien d'impossible à ce que l'électricité, modifiée par certaines circonstances ou tout autre agent inconnu, fut la cause de ce mouvement. La réunion de plusieurs personnes augmentant la puissance d'action semblait appuyer cette théorie, car on pouvait considérer cet ensemble comme une pile multiple dont la puissance est en raison du nombre des éléments. Le mouvement circulaire n'avait rien d'extraordinaire. Il est dans la nature. Tous les astres se meuvent circulairement. Nous pourrions donc avoir, en petit, un effet du mouvement général de l'univers, ou, pour mieux dire, une cause, jusqu'alors inconnue, pouvait produire accidentellement tous les petits objets et, dans les circonstances données, un courant analogue à celui qui entraîne les mondes. Mais le mouvement n'était pas toujours circulaire. Il était souvent saccadé, désordonné, l'objet violemment secoué, renversé, emporté dans une direction quelconque, et, contrairement à toutes les lois de la statique, soulevé de terre et maintenu dans l'espace. Rien encore dans ces faits qui ne puisse s'expliquer par la puissance d'un agent physique invisible. Ne voyons-nous pas l'électricité renverser les édifices, déraciner les arbres, lancer au loin les corps les plus lourds, les attirer ou les repousser? Les bruits insolites, les coups frappés, en supposant qu'ils ne fussent pas un des effets ordinaires de la dilatation du bois ou de toute autre cause accidentelle, pouvaient encore très bien être produits par l'accumulation du fluide occulte. L'électricité ne produit-elle pas les bruits les plus violents? Jusque-là, comme on le voit, tout peut rentrer dans le domaine des faits purement physiques et physiologiques. Sans sortir de ce cercle d'idées, il y avait là la matière d'études sérieuses et dignes de fixer l'attention des savants. Pourquoi n'en a-t-il pas été ainsi? Il est pénible de le dire, mais cela tient à des causes qui prouvent entre mille faits semblables la légèreté de l'esprit humain. D'abord, la vulgarité de l'objet principal qui a servi de base aux premières expérimentations n'y est peut-être pas étrangère. Quelle influence un mot n'a-t-il pas souvent eu sur les choses les plus graves, sans considérer que le mouvement pouvait être imprimé à un objet quelconque? L'idée des tables a prévalu, sans doute parce que c'était l'objet le plus commode et qu'on s'assied plus naturellement autour d'une table qu'autour de tout autre meuble. Or, les hommes supérieurs sont quelquefois si puérils qu'il n'y aurait rien d'impossible à ce que certains esprits d'élite aient cru, au-dessous d'eux, de s'occuper de ce que l'on était convenu d'appeler la danse des tables. Il est même probable, si le phénomène observé par Galvani l'eût été par des hommes vulgaires et fût resté caractérisé par un nom burlesque, il serait encore relégué à côté de la baguette divinatoire. Quel est, en effet, le savant qui n'aurait pas cru déroger en s'occupant de la danse des grenouilles? Quelques-uns, cependant, assez modestes pour convenir que la nature pourrait bien n'avoir pas dit son dernier mot pour eux, ont voulu voir, pour l'acquis de leur conscience. Mais il est arrivé que le phénomène n'a pas toujours répondu à leur attente, et de ce qu'il ne s'était pas constamment produit à leur volonté, et selon leur mode d'expérimentation, ils ont conclu à la négative. Malgré leurs arrêts, les tables, puisque table il y a, continuent à tourner. Et nous pouvons dire avec Galilée, et pourtant elles se meuvent. Nous dirons plus, c'est que les faits se sont tellement multipliés qu'ils ont aujourd'hui droit de citer, et qu'il ne s'agit plus que d'en trouver une explication rationnelle. Peut-on introduire quelque chose contre la réalité du phénomène, de ce qui ne se produit pas d'une manière toujours identique, selon la volonté et les exigences de l'observateur? Est-ce que les phénomènes d'électricité et de chimie ne sont pas subordonnés à certaines conditions? Et doit-on les nier parce qu'ils ne se produisent pas en dehors de ces conditions? Y a-t-il donc rien d'étonnant que le phénomène du mouvement des objets par le fluide humain ait aussi ces conditions d'être et cesse de se produire lorsque l'observateur, se plaçant à son propre point de vue, prétend le faire marcher au gré de son caprice, ou l'assujettit aux lois des phénomènes connus sans considérer que pour des faits nouveaux, il peut et doit y avoir des lois nouvelles. Or, pour connaître ces lois, il faut étudier les circonstances dans lesquelles les faits se produisent. Et cette étude ne peut être que le fruit d'une observation soutenue, attentive et souvent fort longue. Mais, observe certaines personnes, il y a souvent supercherie évidente. Nous leur demanderons d'abord si elles sont bien certaines qu'il y ait supercherie et si elles n'ont pas pris pour telles des effets dont elles ne pourraient se rendre compte, à peu près comme ce paysan qui prenait un savant professeur de physique faisant des expériences pour un adroit escamoteur. En supposant même que cela ait pu avoir lieu quelquefois, serait-ce une raison pour nier le fait? Faut-il nier la physique parce qu'il y a des prestigitateurs qui se décorent du titre de physicien? Il faut d'ailleurs tenir compte du caractère des personnes et de l'intérêt qu'elles pourraient avoir à tromper. Ce serait donc une plaisanterie. On peut bien s'amuser un instant, mais une plaisanterie indéfiniment prolongée serait aussi fastidieuse pour le mystificateur que pour le mystifié. Il y aurait, du reste, dans une mystification qui se propage d'un bout du monde à l'autre, et parmi les personnes les plus graves, les plus honorables et les plus éclairées, quelque chose d'au moins aussi extraordinaire que le phénomène lui-même. Grand 4. Si les phénomènes qui nous occupent se fussent bornés au mouvement des objets, ils seraient restés, comme nous l'avons dit, dans le domaine des sciences physiques. Mais il n'en est point ainsi. Il leur était donné de nous mettre sur la voie d'un ordre étrange. On crut découvrir, nous ne savons pas par quelle initiative, que l'impulsion donnée aux objets n'était pas seulement le produit d'une force mécanique aveugle, mais qu'il y avait, dans ce mouvement, l'intervention d'une cause intelligente. Cette voie, une fois ouverte, c'était un champ tout nouveau d'observation. C'était le voile levé sur bien des mystères. Y a-t-il, en effet, une puissance intelligente? Telle est la question. Si cette puissance existe, quelle est-elle? Quelle est sa nature, son origine? Est-elle au-dessus de l'humanité? Telles sont les autres questions qui découlent de la première. Les premières manifestations intelligentes eurent lieu au moyen de tables se levant et frappant, avec un pied, un nombre déterminé de coups, et répondant ainsi par oui ou par non, suivant la convention, à une question posée. Jusque-là, rien de convaincant, assurément, pour les sceptiques, car on pouvait croire à un effet du hasard. On obtint ensuite des réponses plus développées par les lettres de l'alphabet. L'objet mobile, frappant un nombre de coups correspondant au numéro d'ordre de chaque lettre, on arrivait ainsi à formuler des mots et des phrases répondant à des questions posées. La justesse des réponses, leur corrélation avec la question, excitèrent l'étonnement. L'être mystérieux qui répondait ainsi, interrogé sur sa nature, déclara qu'il était esprit ou génie, se donna un nom et fournit divers renseignements sur son compte. Ceci est une circonstance très importante à noter. Personne n'a donc imaginé les esprits comme un moyen d'expliquer le phénomène. C'est le phénomène lui-même qui révèle le mot. On fait souvent, dans les sciences exactes, des hypothèses pour avoir une base de raisonnement. Or, ce n'est point ici le cas. Le moyen de correspondance était long et incommode. L'esprit, et ceci est encore une circonstance digne de remarque, en indiqua un autre. C'est l'un de ces êtres invisibles qui donna le conseil d'adapter un crayon à une corbeille ou à un autre objet. Cette corbeille, posée sur une feuille de papier, est mise en mouvement par la même puissance occulte qui fait mouvoir les tables. Mais au lieu d'un simple mouvement régulier, le crayon trace de lui-même des caractères formant des mots, des phrases et des discours entiers de plusieurs pages, traitant les plus hautes questions de philosophie, de morale, de métaphysique, de psychologie, etc. Et cela avec autant de rapidité que si l'on écrivait avec la main. Ce conseil fut donné simultanément en Amérique, en France et dans diverses contrées. Voici les termes dans lesquels il fut donné à Paris, le 10 juin 1853, à l'un des plus fervents adeptes de la doctrine qui, déjà depuis plusieurs années et dès 1849, s'occupait de l'évocation des esprits. Ouvrez les guillemets. Va prendre, dans la chambre, à côté, la petite corbeille. Attache-y un crayon. Place-le sur un papier, mets les doigts sur le bord, fermez les guillemets. Puis, quelques instants après, la corbeille s'est mise en mouvement et le crayon a écrit très lisiblement cette phrase, ouvrez les guillemets. Ce que je vous dis là, je vous défends expressement de le dire à personne. La première fois que j'écrirai mieux, fermez les guillemets. L'objet auquel on adapte le crayon, n'étant qu'un instrument, sa nature et sa forme sont complètement indifférentes. On a cherché sa disposition la plus commode. C'est ainsi que beaucoup de personnes font usage d'une petite planchette. La corbeille ou la planchette ne peut être mise en mouvement que sous l'influence de certaines personnes douées, à cet égard, d'une puissance spéciale, et que l'on désigne sous le nom de médium, c'est-à-dire milieu, ou intermédiaire entre les esprits et les hommes. Les conditions qui donnent cette puissance spéciale tiennent à des causes tout à la fois physiques et morales, encore imparfaitement connues. Car on trouve des médiums de tout âge, de tout sexe, et dans tous les degrés de développement intellectuel. Cette faculté, du reste, se développe par l'exercice. Grand 5. Plus tard, on reconnut que la corbeille et la planchette ne formaient en réalité qu'un appendice de la main. Et le médium, prenant directement le crayon, se mit à écrire par une impulsion involontaire et presque fébrile. Par ce moyen, les communications devinrent plus rapides, plus facile et plus complète. C'est aujourd'hui le plus répandu, d'autant plus que le nombre de personnes douées de cette aptitude est très considérable et se multiplie tous les jours. L'expérience, enfin, fit connaître plusieurs autres variétés dans la faculté médiatrice et l'on sut que les communications pouvaient également avoir lieu par la parole, l'ouïe, la vue, le toucher, etc. Et même par l'écriture directe des esprits, c'est-à-dire sans le concours de la main du médium ni du crayon. Le fait obtenu, un point essentiel restait à constater. C'est le rôle du médium dans les réponses et la part qu'il peut y prendre mécaniquement et moralement. Deux circonstances capitales, qui ne sauraient échapper à un observateur attentif, peuvent résoudre la question. La première est la manière dont la corbeille se meut sous son influence par la seule imposition des doigts sur le bord. L'examen démontre l'impossibilité d'une direction quelconque. Cette impossibilité devient surtout patente lorsque deux ou trois personnes se placent en même temps à la même corbeille. Il faudrait entre elles une concordance de mouvements vraiment phénoménale. Il faudrait, de plus, concordance de pensée pour qu'elles puissent s'entendre sur la réponse à faire à la question posée. Un autre fait, non moins singulier, vient encore ajouter à la difficulté. C'est le changement radical de l'écriture selon l'esprit qui se manifeste, et chaque fois que le même esprit revient, son écriture se reproduit. Il faudrait donc que le médium se fût appliqué à changer sa propre écriture de 20 manières différentes, et surtout qu'il pût se souvenir de celle qui appartient à tel ou tel esprit. La seconde circonstance résulte de la nature même des réponses qui font, la plupart du temps, surtout lorsqu'il s'agit de questions abstraites ou scientifiques, notoirement en dehors des connaissances et quelquefois de la portée intellectuelle du médium qui, du reste, le plus ordinairement, n'a point conscience de ce qui s'écrit sous son influence, qui, très souvent même, n'entend pas ou ne comprend pas la question posée, puisqu'elle peut l'être dans une langue qui lui est étrangère ou même mentalement, et que la réponse peut être faite dans cette langue. Il arrive souvent, enfin, que la corbeille écrit spontanément, sans question préalable, sur un sujet quelconque et tout à fait inattendu. Ces réponses, dans certains cas, ont un tel cachet de sagesse, de profondeur et d'à-propos, elles révèlent des pensées si élevées, si sublimes, qu'elles ne peuvent émaner que d'une intelligence supérieure, empreinte de la moralité la plus pure. D'autres fois, elles sont si légères, si frivoles, si triviales même, que la raison se refuse à croire qu'elles puissent procéder de la même source. Cette diversité de langage ne peut s'expliquer que par la diversité des intelligences qui se manifestent. Ces intelligences sont-elles dans l'humanité ou hors de l'humanité? Tel est le point à éclaircir et dont on trouvera l'explication complète dans cet ouvrage, telle qu'elle est donnée par les esprits eux-mêmes. Voilà donc des effets patents qui se produisent en dehors du cercle habituel de nos observations, qui ne se passent point avec mystère, mais au grand jour, que tout le monde peut voir et constater, qui ne sont pas le privilège d'un seul individu, mais que des milliers de personnes répètent tous les jours à volonté. Ces effets ont nécessairement une cause, et du moment qu'ils révèlent l'action d'une intelligence et d'une volonté, ils sortent du domaine purement physique. Plusieurs théories ont été émises à ce sujet. Nous les examinerons tout à l'heure et nous verrons si elles peuvent rendre raison de tous les faits qui se produisent. Admettons, en attendant, l'existence d'êtres distincts de l'humanité, puisque telle est l'application fournie par les intelligences qui se révèlent. Et voyons ce qu'ils nous disent. Grand 6. Les êtres qui se communiquent ainsi se désignent eux-mêmes, comme nous l'avons dit, sous le nom d'esprit ou de génie, et comme ayant appartenu, pour quelques-uns du moins, aux hommes qui ont vécu sur la terre. Ils constituent le monde spirituel comme nous constituons pendant notre vie le monde corporel. Nous résumons ici en peu de mots les points les plus saillants de la doctrine qu'ils nous ont transmise afin de répondre plus facilement à certaines objections. Ouvrez les guillemets. Dieu est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement bon et juste. Il a créé l'univers qui comprend tous les êtres animés et inanimés, matériels et immatériels. Les êtres matériels constituent le monde visible ou corporel, et les êtres immatériels, le monde invisible ou spirit, c'est-à-dire des esprits. Le monde spirit est le monde normal, primitif, éternel, préexistant et survivant à tout. Le monde corporel n'est que secondaire. Il pourrait cesser d'exister ou n'avoir jamais existé sans altérer l'essence du monde spirit. Les esprits revêtent temporairement une enveloppe matérielle périssable dont la destruction par la mort les rend à la liberté. Parmi les différentes espèces d'êtres corporels, Dieu a choisi l'espèce humaine pour l'incarnation des esprits arrivés à un certain degré de développement. C'est ce qui lui donne la supériorité morale et intellectuelle sur les autres. L'âme est un esprit incarné dans le corps, dont le corps n'est que l'enveloppe. Il y a dans l'homme trois choses. Premièrement, le corps, ou être matériel, analogue aux animaux et animé par le même principe vital. Deuxièmement, l'âme, ou être immatériel, esprit incarné dans le corps. Troisièmement, le lien qui unit l'âme et le corps, principe intermédiaire entre la matière et l'esprit. L'homme a ainsi deux natures. Par son corps, il participe de la nature des animaux dont il est un. Par son âme, il participe de la nature des esprits. Le lien ou périsprit qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière. L'esprit conserve la seconde, qui constitue pour lui un corps éthéré, invisible pour nous dans l'état normal, mais qu'il peut rendre accidentellement visible et même tangible, comme cela a lieu dans les phénomènes des apparitions. L'esprit n'est point ainsi un être abstrait, indéfini, que la pensée seule peut concevoir. C'est un être réel, circonscrit, qui, dans certains cas, est appréciable par les sens de la vue, de l'ouïe et du toucher. Les esprits appartiennent à différentes classes et ne sont égaux ni en puissance, ni en intelligence, ni en savoir, ni en moralité. Ceux du premier ordre sont les esprits supérieurs qui se distinguent des autres par leur perfection, leur connaissance, leur rapprochement de Dieu, la pureté de leurs sentiments et de leur amour du bien. Ce sont les anges ou purs esprits. Les autres classes s'éloignent de plus en plus de cette perfection. Ceux des rangs inférieurs sont enclins à la plupart de nos passions, la haine, l'envie, la jalousie, l'orgueil, etc. Ils se plaisent au mal. Dans le nombre, il en est qui ne sont ni très bons ni très mauvais, plus brouillons et tracassés que méchants. La malice et les inconséquences semblent être leur partage. Ce sont les esprits follets ou légers. Les esprits n'appartiennent pas perpétuellement au même ordre. Tous s'améliorent en passant par les différents degrés de la hiérarchie spirit. Cette amélioration a lieu par l'incarnation qui est imposée aux uns comme expiation, aux autres comme mission. La vie matérielle est une épreuve qu'ils doivent subir à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils aient atteint la perfection absolue. C'est une sorte d'étamine ou d'épuratoire où ils sortent plus ou moins purifiés. En quittant le corps, l'âme rentre dans le monde des esprits d'où elle était sortie. pour reprendre une nouvelle existence matérielle après un laps de temps plus ou moins long pendant lequel elle est à l'état d'esprit errant. L'esprit devant passer par plusieurs incarnations, il en résulte que nous tous avons eu plusieurs existences et que nous en aurons encore d'autres plus ou moins perfectionnées, soit sur cette terre, soit dans d'autres mondes. L'incarnation des esprits a toujours lieu dans l'espèce humaine. Ce serait une erreur de croire que l'âme ou esprit peut s'incarner dans le corps d'un animal. Il y a entre cette doctrine de la réincarnation et celle de la métapsychose, telle que l'admettent certaines sectes, une différence caractéristique qui est expliquée dans la suite de l'ouvrage. Les différentes existences corporelles de l'esprit sont toujours progressives et jamais rétrogrades. Mais la rapidité du progrès dépend des efforts que nous faisons pour arriver à la perfection. Les qualités de l'âme sont celles de l'esprit qui est incarné en nous. Ainsi, l'homme de bien est l'incarnation du bon esprit, et l'homme pervers, celle d'un esprit impur. L'âme avait son individualité avant son incarnation. Elle la conserve après la séparation du corps. À sa rentrée dans le monde des esprits, l'âme y retrouve tous ceux qu'elle a connus sur terre, et toutes ses existences antérieures se retracent à sa mémoire avec le souvenir de tout le bien et de tout le mal qu'elle a fait. L'esprit incarné est sous l'influence de la matière. L'homme qui surmonte cette influence par l'élévation et l'épuration de son âme se rapproche des bons esprits avec lesquels il sera un jour. Celui qui se laisse dominer par la mauvaise passion et place toutes ses joies dans la satisfaction des appétits grossiers se rapproche des esprits impurs en donnant la prépondérance à la nature animale. Les esprits incarnés habitent les différents globes de l'univers. L'esprit non incarné ou errant n'occupe point une région déterminée et circonscrite. Ils sont partout, dans l'espace et à nos côtés, nous voyant et nous coudoyant sans cesse. C'est toute une population invisible qui s'agite autour de nous. Les esprits exercent sur le monde moral et même sur le monde physique une action incessante. Ils agissent sur la matière et sur la pensée et constituent une des puissances de la nature, cause efficiente d'une foule de phénomènes jusqu'alors inexpliqués ou mal expliqués, et qui ne trouve une solution rationnelle que dans le spiritisme. Les relations des esprits avec les hommes sont constantes. Les bons esprits nous sollicitent au bien, nous soutiennent dans les épreuves de la vie et nous aident à les supporter avec courage et résignation. Les mauvais nous sollicitent au mal. C'est pour eux une jouissance de nous voir succomber et de nous assimiler à eux. Les communications des esprits avec les hommes sont occultes ou ostensibles. Les communications occultes ont lieu par l'influence bonne ou mauvaise qu'ils exercent sur nous à notre insu. C'est à notre jugement de discerner les bonnes et les mauvaises inspirations. Les communications ostensibles ont lieu au moyen de l'écriture, de la parole ou autre manifestation matérielle, le plus souvent par l'intermédiaire des médiums qui leur servent d'instruments. Les esprits se manifestent spontanément ou sur évocation. On peut évoquer tous les esprits, ceux qui ont animé des hommes obscurs comme ceux des personnages les plus illustres, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont vécu. Ceux de nos parents, de nos amis ou de nos ennemis, et en obtenir, par des communications écrites ou verbales, des conseils des renseignements sur leur situation d'outre-tombe, sur leurs pensées à notre égard, ainsi que les révélations qu'il leur est permis de nous faire. Les esprits sont attirés en raison de leur sympathie pour la nature morale du milieu qui les évoque. Les esprits supérieurs se plaisent dans les réunions sérieuses où domine l'amour du bien et le désir sincère de s'instruire et de s'améliorer. Leur présence en écarte les esprits inférieurs qui y trouvent au contraire un libre accès et peuvent agir en toute liberté parmi les personnes frivoles ou guidées par la seule curiosité et partout où se rencontrent de mauvais instincts. Loin d'en obtenir ni bon avis ni renseignement utile, on ne doit en attendre que des futilités, des mensonges, de mauvaises plaisanteries ou des mystifications, car ils empruntent souvent des noms vénérés pour mieux induire en erreur. La distinction des bons et des mauvais esprits est extrêmement difficile. Le langage des esprits supérieurs est constamment digne, noble, empreint de la plus haute moralité, dégagé de toute basse passion. Leurs conseils respirent la sagesse la plus pure et ont toujours pour but notre amélioration et le bien de l'humanité. Celui des esprits inférieurs, au contraire, est inconséquent, souvent trivial et même grossier. S'ils disent parfois des choses bonnes et vraies, ils en disent plus souvent de fausses et d'absurdes, par malice ou par ignorance. Ils se jouent de la crédulité et s'amusent aux dépens de ceux qui les interrogent en flattant leur vanité, en berçant leurs désirs de fausses espérances. En résumé, les communications sérieuses, dans toute l'acception du mot, n'ont lieu que dans les centres sérieux, dans ceux dont les membres sont unis par une communion intime de pensée en vue du bien. La morale des esprits supérieurs se résume, comme celle du Christ, en cette maxime évangélique, ouvrez les guillemets, « Agir envers les autres comme nous voudrions que les autres agissent envers nous-mêmes », fermez les guillemets, c'est-à-dire faire le bien et ne point faire le mal. L'homme trouve dans ce principe la règle universelle de conduite pour ses moindres actions. Il nous enseigne que l'égoïsme, l'orgueil, la sensualité sont des passions qui nous rapprochent de la nature animale en nous attachant à la terre. Que l'homme qui, dès ici-bas, se détache de la matière par le mépris des futilités mondaines et l'amour du prochain, se rapproche de la nature spirituelle. Que chacun de nous doive se rendre utile selon les facultés et les moyens que Dieu a mis entre ses mains pour l'éprouver. Que le fort et le puissant doivent appui et protection aux faibles, car celui qui abuse de sa force et de sa puissance pour opprimer son semblable viole la loi de Dieu. Ils enseignent, enfin, que dans le monde des esprits, rien ne pouvant être caché, l'hypocrite sera démasqué, et toutes ses turpitudes doivent dévoiler. Que la présence inévitable et de tous les instants de ceux envers lesquels nous aurons mal agi est un des châtiments qui nous sont réservés. Qu'à l'état d'infériorité et de supériorité, les esprits sont attachés des peines et des jouissances qui nous sont inconnues sur la terre. Mais il nous enseigne aussi qu'il n'est pas faute irrémissible et qui ne puisse être effacée par l'expiation. L'homme en trouve le moyen dans les différentes existences qui lui permettent d'avancer, selon son désir et ses efforts, dans la voie du progrès et vers la perfection, qui est son but final. Tel est le résumé de la doctrine spirite. Ainsi, elle résulte de l'enseignement donné par les esprits supérieurs. Voyons maintenant les objections qu'on y oppose. Grand 7. Pour beaucoup de gens, l'opposition des corps savants est, sinon une preuve, du moins une forte présomption contraire. Nous ne sommes pas de ceux qui crient haro sur les savants, car nous ne voulons pas faire dire de nous que nous donnons le coup de pied de l'âne. Nous les tenons au contraire en grande estime, et nous serions fort honorés de compter parmi eux. Mais leur opinion, ne saurait être, en toutes circonstances, un jugement irrévocable. Dès que la science sort de l'observation matérielle des faits, qu'il s'agit d'apprécier et d'expliquer ces faits, le champ est ouvert aux conjonctures. Chacun apporte son petit système qu'il veut faire prévaloir et soutient avec acharnement. Ne voyons-nous pas tous les jours les opinions les plus divergentes tour à tour préconisées et rejetées, tantôt repoussées comme erreur absurde, puis proclamées comme vérité incontestable. Les faits, voilà le véritable critérium de nos jugements. L'argument sans réplique. En l'absence de faits, le doute est l'opinion du sage. Pour les choses de notoriété, l'opinion des savants fait foi à juste titre, parce qu'ils savent plus et mieux que le vulgaire. Mais en fait, de principes nouveaux, les choses inconnues, leur manière de voir n'est toujours qu'hypothétique, parce qu'ils ne sont pas plus que d'autres exemples exempts de préjugés. Je dirais même que le savant a peut-être plus de préjugés qu'un autre, parce qu'une propension naturelle le porte à tout subordonner au point de vue qu'il a approfondi. Le mathématicien ne voit de preuves que dans une démonstration algébrique. Le chimiste rapporte tout à l'action des éléments, etc. Tout homme qui s'est fait une spécialité y cramponne toutes ses idées. Sortez-le de là, souvent il déraisonne, parce qu'il veut tout soumettre au même creuset. C'est une conséquence de la faiblesse humaine. Je consulterai donc volontiers, et en toute confiance, un chimiste sur une question d'analyse, un physicien sur la puissance électrique, un mécanicien sur une force motrice. Mais ils me permettront, et sans que cela porte atteinte à l'estime que commande leur savoir spécial, de ne pas tenir le même compte de leurs opinions négatives en fait de spiritisme. Pas plus que du jugement d'un architecte sur une question de musique. Les sciences vulgaires reposent sur la propriété de la matière qu'on peut expérimenter et manipuler à son gré. Les phénomènes spirites reposent sur l'action d'intelligence qui ont leur volonté et nous prouvent à chaque instant qu'elles ne sont pas à notre caprice. Les observations ne peuvent donc se faire de la même manière. Elles requièrent des conditions spéciales à un autre point de départ et à un autre point de départ. Vouloir les soumettre à nos procédés ordinaires d'investigation, c'est établir des analogies qui n'existent pas. La science proprement dite, comme science, est donc incompétente pour se prononcer dans la question du spiritisme. Elle n'a pas à s'en occuper, et son jugement, quel qu'il soit, favorable ou non, ne saurait être d'aucun poids. Le spiritisme est le résultat d'une conviction personnelle que les savants peuvent avoir comme individus. Abstraction faite de leur qualité de savant. Mais vouloir déférer la question à la science, autant vaudrait faire décider l'existence de l'âme par une assemblée de physiciens ou d'astronomes. En effet, le spiritisme est tout entier dans l'existence de l'âme et de son état après la mort. Or, il est souverainement illogique de penser qu'un homme doive être un grand psychologiste parce qu'il est un grand mathématicien ou un grand anatomiste. L'anatomiste, en disséquant le corps humain, cherche l'âme, et parce qu'il ne la trouve pas sous son scalpel, comme il y trouve un nerf, ou parce qu'il ne la voit pas s'envoler comme un gaz, en connecte pas. Parce qu'il se place au point de vue exclusivement matériel. S'ensuit-il qu'il ait raison contre l'opinion universelle? Non. Vous voyez donc que le spiritisme n'est pas du ressort de la science. Quand les croyances spirites seront vulgarisées, quand elles seront acceptées par les masses, et, si l'on en juge par la rapidité avec laquelle elles se propagent, ce temps ne saurait être fort éloigné. Il en sera de cela comme de toutes les idées nouvelles qui ont rencontré de l'opposition. Les savants se rendront à l'évidence, et ils arriveront individuellement par la force des choses. Jusque-là, il est intempestif de les détourner de leurs travaux spéciaux pour les contraindre à s'occuper d'une chose étrangère qui n'est ni dans leurs attributions, ni dans leur programme. En attendant, ceux qui, sans une étude préalable et approfondie de la matière, se prononcent pour la négative et bafouent quiconque n'est pas de leur avis, oublient qu'il en a été de même de la plupart des grandes découvertes qui honorent l'humanité. Ils s'exposent à voir leur nom augmenter la liste des illustres proscripteurs des idées nouvelles et inscrits à côté de ceux des membres de la docte assemblée qui, en 1752, accueillit, avec un immense éclat de rire, la mémoire de Franklin sur les paratonnerres, le jugeant indigne de figurer au nombre des communications qui lui étaient adressées, et de cet autre qui fit perdre à la France le bénéfice de l'initiative de la marine à vapeur, en déclarant le système de Fulton un rêve impraticable. Et pourtant, c'était des questions de leur ressort. Si donc ces assemblées, qui comptaient dans leur sein l'élite des savants du monde, n'ont eu que la raillerie et le sarcasme pour des idées qu'elles ne comprenaient pas, idées qui, quelques années plus tard, devaient révolutionner la science, les mœurs et l'industrie, comment espérer une question étrangère à leurs travaux obtiennent plus de faveur? Ces erreurs de quelques-uns, regrettables pour leur mémoire, ne sauraient leur enlever les titres qu'à d'autres égards ils ont acquis à notre estime. Mais est-il besoin d'un diplôme officiel pour avoir du bon sens? Et ne compte-t-on en dehors des fauteuils académiques que des sots et des imbéciles? Qu'on veuille bien jeter les yeux sur les adeptes de la doctrine spirite, et l'on verra, si l'on n'y rencontre que des ignorants, et si le nombre immense d'hommes de mérite qui l'ont embrassée permettent de la reléguer au rang des croyances de bonnes femmes. Leur caractère et leur savoir valent bien la peine qu'on dise. Puisque tel homme affirme, il faut au moins qu'il y ait quelque chose. Nous répétons encore que si les faits qui nous occupent se fussent renfermés dans le mouvement mécanique des corps, la recherche de la cause physique de ce phénomène rentrait dans le domaine de la science. Mais dès qu'il s'agit d'une manifestation en dehors des lois de l'humanité, elle sort de la compétence de la science matérielle, car elle ne peut s'exprimer ni par les chiffres, ni par la puissance mécanique. Lorsque surgit un fait nouveau qui ne ressort d'aucune science connue, le savant, pour l'étudier, doit faire abstraction de sa science et se dire que c'est pour lui une étude nouvelle qui ne peut se faire avec des idées préconçues. L'homme qui croit sa raison infaillible est bien près de l'erreur. Ceux-mêmes qui ont les idées les plus fausses s'appuient sur leur raison, et c'est en vertu de cela qu'ils rejettent tout ce qui leur semble impossible. Ceux qui ont jadis repousser les admirables découvertes dont l'humanité s'honore, faisaient tous appel à ce jugement pour les rejeter. Ce que l'on appelle raison n'est souvent que l'orgueil déguisé. Et quiconque se croit infaillible se pose comme l'égal de Dieu. Nous nous adressons donc à ceux qui sont assez sages pour douter de ce qu'ils n'ont pas vu, et qui, jugeant l'avenir par le passé, ne croient pas que l'homme soit arrivé à son apogée, et ni que la nature ait tourné pour lui la dernière page de son livre. Gant 8. Ajoutons que l'étude d'une doctrine, telle que la doctrine spirit, qui nous lance tout à coup dans un ordre de choses si nouveau et si grand, ne peut être faite avec fruit que par des hommes sérieux, persévérants, exempts de prévention et animés d'une ferme et sincère volonté d'arriver à un résultat. Nous ne saurions donner cette qualification à ceux qui jugent, a priori, légèrement et sans avoir tout vu, qui n'apportent à leur étude ni la suite, ni la régularité, ni le recueillement nécessaire. Nous saurions encore moins la donner à certaines personnes qui, pour ne pas faillir à leur réputation de gens d'esprit, s'évertuent à trouver un côté burlesque aux choses les plus vraies ou jugées telles par des personnes dont le savoir, le caractère et les convictions ont droit au regard de quiconque se pique de savoir vivre. Que ceux donc qui ne jugent pas les faits dignes d'eux et de leur attention s'abstiennent. Personne ne songe à violenter leurs croyances, mais qu'ils veuillent bien respecter celles des autres. Ce qui caractérise une étude sérieuse, c'est la suite que l'on y apporte. Doit-on s'étonner de n'obtenir souvent aucune réponse sensée à des questions, graves par elles-mêmes, alors qu'elles sont faites au hasard et jetées à brûle-pourpoint au milieu d'une foule de questions saugrenues. Une question, d'ailleurs, est souvent complexe et demande, pour être éclairée, éclaircie, des questions préliminaires ou complémentaires. Quiconque veut acquérir une science doit en faire une étude méthodique, commencer par le commencement, et suivre l'enchaînement et le développement des idées. Celui qui adresse par hasard à un savant une question sur une science dont il ne sait pas le premier mot, sera-t-il le plus avancé? Le savant lui-même pourra-t-il, avec la meilleure volonté, lui donner une réponse satisfaisante? Cette réponse isolée sera forcément incomplète et souvent, par cela même, inintelligible, ou pourra paraître absurde et contradictoire. Il en est exactement de même dans les rapports que nous établissons avec les esprits. Si l'on veut s'instruire à leur école, c'est un cours qu'il faut faire avec eux. Mais, comme parmi nous, il faut choisir ses professeurs et travailler avec assiduité. Nous avons dit que les esprits supérieurs ne viennent que dans les réunions sérieuses et dans celles surtout où règne une parfaite union de pensée et de sentiment pour le bien. La légèreté et les questions oiseuses les éloignent, comme chez les hommes, elles éloignent les gens raisonnables. Le champ reste alors libre à la tourbe des esprits menteurs et frivoles, toujours à l'affût des occasions de se rayer et de s'amuser à nos dépens. Que devient dans une telle réunion une question sérieuse? Il y sera répondu, mais par qui? C'est comme si au milieu d'une troupe de joyeux vivants, vous alliez jeter ces questions. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que la mort? Et d'autres choses aussi récréatives. Si vous voulez des réponses sérieuses, soyez sérieux vous-même, dans toute l'acception du mot, et placez-vous dans toutes les conditions voulues. Alors seulement, vous obtiendrez de grandes choses. Soyez de plus laborieux et persévérant dans vos études. Sans cela, les esprits supérieurs vous délaissent. comme le fait un professeur pour ses écoliers négligents. Grand neuf. Le mouvement des objets est un fait acquis. La question est de savoir si, dans ce mouvement, il y a ou non une manifestation intelligente. Et en cas d'affirmative, quelle est la source de cette manifestation ? Nous ne parlons pas du mouvement intelligent de certains objets, ni de communication verbale, ni même de celles qui sont écrites directement par le médium. Ce genre de manifestation, évidemment, pour ceux qui ont vu et approfondi la chose, n'est point, au premier aspect, assez indépendant de la volonté pour asseoir la conviction d'un observateur novice. Nous ne parlerons donc que de l'écriture obtenue à l'aide d'un objet quelconque muni d'un crayon, tel que corbeille, planchette, etc. La manière dont les doigts du médium sont posés sur l'objet défie, comme nous l'avons dit, l'adresse la plus consommée de pouvoir participer en quoi que ce soit au tracé des caractères. Mais admettons encore que, par une adresse merveilleuse, il puisse tromper l'œil le plus scrutateur. Comment expliquer la nature des réponses ? Alors, quelles sont, en dehors de toutes les idées et de toutes les connaissances du médium ? Et qu'on veuille bien remarquer qu'il ne s'agit pas de réponses monosyllabiques, mais souvent de plusieurs pages écrites avec la plus étonnante rapidité, soit spontanément, soit sur un sujet déterminé. Sous la main du médium le plus étranger à la littérature, naissent, quelquefois, des poésies d'une sublimité et d'une pureté irréprochables, et que ne désavoueraient pas les meilleurs poètes humains. Ce qui ajoute encore à l'étrangeté de ces faits, c'est qu'ils se produisent partout et que les médiums se multiplient à l'infini. Ces faits sont-ils réels ou non ? À cela, nous n'avons qu'une chose à répondre, voyez et observez. Les occasions ne vous manqueront pas, mais surtout observez souvent, longtemps et selon les conditions voulues. À l'évidence, que répondent les antagonistes ? Vous êtes, disent-ils, dupe du charlatanisme ou le jouet d'une illusion. Nous dirons d'abord qu'il faut écarter le mot charlatanisme, là où il n'y a pas de profit. Les charlatans ne font pas leur métier gratis. Ce serait donc tout au plus une mystification. Mais par quelle étrange coïncidence ces mystificateurs se seraient-ils entendus d'un bout du monde à l'autre ? Pour agir de même, produire les mêmes effets et donner sur les mêmes sujets et dans des langues diverses des réponses identiques, sinon, quant aux mots, du moins quant au sens. Comment des personnes graves, sérieuses, honorables, instruites se prêteraient-elles à de pareilles manœuvres et dans quel but ? Comment trouverait-on chez les enfants la patience et l'habileté nécessaire, car si les médiums ne sont pas des instruments passifs, il leur faut une habileté et des connaissances incompatibles avec un certain âge et certaines positions sociales. Alors on ajoute que, s'il n'y a pas de supercherie, des deux côtés, on peut être dupe d'une illusion. En bonne logique, la qualité des témoins est d'un certain poids. Or, c'est ici le cas de demander si la doctrine spirite, qui compte aujourd'hui ses adhérents par milliers, ne les recrute que parmi les ignorants. Les phénomènes sur lesquels elle s'appuie sont si extraordinaires que nous concevons le doute. Mais ce que l'on ne saurait admettre, c'est la prétention de certains incrédules au monopole du bon sens, et qui, sans respect pour les convenances ou la valeur morale de leurs adversaires, taxent sans façon d'inertie tous ceux qui ne sont pas de leur avis. Aux yeux de toute personne judicieuse, l'opinion des gens éclairés qui ont longtemps vu, étudié et médité une chose sera toujours, sinon une preuve, du moins une présomption en sa faveur, puisqu'elle a pu fixer l'attention d'hommes sérieux, n'ayant ni un intérêt à propager une erreur, ni du temps à perdre à des futilités. Grandissent. Parmi les objections, il en est de plus spécieuses, du moins en apparence, parce qu'elles sont tirées de l'observation et qu'elles sont faites par des personnes graves. Une de ces objections est tirée du langage de certains esprits qui ne paraît pas digne de l'élévation qu'on suppose à des êtres surnaturels. Si l'on veut bien se reporter au résumé de la doctrine que nous avons présentée ici-dessus, on y verra que les esprits eux-mêmes nous apprennent qu'ils ne sont égaux ni en connaissance ni en qualité morale et que l'on ne doit point prendre au pied de la lettre tout ce qu'ils disent. C'est aux gens sensés à faire la part du bon et du mauvais. Assurément, ceux qui tirent de ce fait la conséquence que nous n'avons affaire qu'à des êtres malfaisants dont l'unique occupation est de nous mystifier, n'ont pas connaissance des communications qui ont lieu dans les réunions où ne se manifestent que des esprits supérieurs. Autrement, ils ne penseraient pas ainsi. Il est fâcheux que le mauvais côté du monde spirit, car nous voulons bien ne pas supposer qu'une tendance sympathique attire vers eux les mauvais esprits plutôt que les bons, les esprits menteurs ou ceux dont le langage est révoltant de grossièreté. On pourrait tout au plus en conclure que la solidité de leurs principes n'est pas assez puissante pour écarter le mal, et que, trouvant un certain plaisir à satisfaire leur curiosité à cet égard, les mauvais esprits en profitent pour se glisser parmi eux, tandis que les bons s'éloignent. Juger la question des esprits sur ces faits serait aussi peu logique que de juger le caractère d'un peuple parce que ce qui se dit et se fait dans l'assemblée de quelques étourdis ou de gens mal famés que ne fréquentent ni les sages, ni les gens sensés. Ces personnes se trouvent dans la situation d'un étranger qui, arrivant dans une grande capitale par le plus vilain faubourg, jugerait tous les habitants par les mœurs et le langage de ce quartier infime. Dans le monde des esprits, il y a aussi une bonne et une mauvaise société. Que ces personnes veuillent bien étudier ce qui se passe parmi les esprits d'élite, et elles seront convaincues que la cité céleste renferme autre chose que la lie du peuple. Mais, disent-elles, les esprits d'élite viennent-ils parmi nous? À cela, nous leur répondrons. Ne restez pas dans le faubourg. Voyez, observez et vous jugerez. Les fêtes sont là pour tout le monde, à moins que ce ne soit à elles que s'appliquent ces paroles de Jésus. Deux points. Ouvrez les guillemets. Ils ont des yeux et ils ne voient point, et des oreilles et ils n'entendent point. Fermez les guillemets. Une variante de cette opinion consiste à ne voir dans les communications spirites et dans tous les faits matériels auxquels elles donnent lieu que l'intervention d'une puissance diabolique, nouveau protée, qui revêterait toutes les formes pour mieux nous abuser. Nous ne la croyons pas susceptible d'un examen sérieux. C'est pourquoi nous ne nous y arrêterons pas. Elle se trouve réfutée par ce que nous venons de dire. Nous ajouterons seulement que s'il en était ainsi, il faudrait convenir que le diable est quelquefois bien sage, bien raisonnable et surtout bien moral, ou bien qu'il y a aussi de bons diables. Comment croire, en effet, que Dieu ne permette qu'à l'esprit du mal de se manifester pour nous perdre ? Sans nous donner pour contrepoids les conseils des bons esprits. S'il ne le peut pas, c'est impuissance. S'il le peut et ne le fait pas, c'est incompatible avec sa bonté. L'une et l'autre supposition serait un blasphème. Remarquez qu'admettre la communication des mauvais esprits, c'est reconnaître le principe des manifestations. Or, du moment qu'elles existent, ce ne peut être qu'avec la permission de Dieu. Comment croire, sans empiété, qu'ils ne permettent que le mal à l'exclusion du bien? Une telle doctrine est contraire aux plus simples notions du bon sens et de la religion. Grand 11. Une chose bizarre, ajoute-t-on, c'est qu'on ne parle que des esprits de personnages connus, et l'on se demande pourquoi ils sont seuls à se manifester. C'est là une erreur provenant, comme beaucoup d'autres, d'une observation superficielle. Parmi les esprits qui viennent spontanément, il en est plus encore d'inconnus que nous que d'illustres, qui se désignent par un nom quelconque et souvent par un nom allégorique ou caractéristique. Quant à ceux que l'on évoque, à moins que ce ne soit un parent ou un ami, il est assez naturel de s'adresser à ceux que l'on connaît plutôt qu'à ceux que l'on ne connaît pas. Le nom des personnages illustres frappe davantage. C'est pour cela qu'ils sont plus remarqués. On trouve encore singulier que les esprits d'hommes éminents viennent familièrement à notre appel et s'occupent quelquefois de choses minutieuses en comparaison de celles qu'ils ont accomplies pendant leur vie. À cela, il n'est rien d'étonnant pour ceux qui savent que la puissance ou la considération dont ces hommes ont joui ici-bas ne leur donne aucune suprématie dans le monde spirit. Les esprits confirment en ceci ces paroles de l'Évangile. Les grands seront abaissés et les petits élevés. Ce qui doit s'entendre du rang que chacun de nous occupera parmi eux. C'est ainsi que celui qui a été le premier sur la terre peut s'y trouver l'un des derniers. Celui devant lequel nous courbions la tête pendant sa vie peut donc venir parmi nous comme le plus humble artisan, car, en quittant la vie, il a laissé toute sa grandeur, et le plus puissant monarque y est peut-être au-dessous du dernier de ses soldats. Grand 12. Un fait démontré par l'observation et confirmé par les esprits eux-mêmes, c'est que les esprits inférieurs empruntent souvent des noms connus et révérés. Qui donc peut nous assurer que ceux qui disent avoir été, par exemple, Socrate, Jules César, Charlemagne, Fénelon, Napoléon, Washington, etc., aient réellement animé ces personnages? Ce doute existe parmi certains adeptes très fervents de la doctrine spirite. Ils admettent l'intervention et la manifestation des esprits, mais ils se demandent quel contrôle on peut avoir de leur identité. Ce contrôle est, en effet, assez difficile à établir, s'il ne peut l'être d'une manière aussi authentique que par un acte d'état civil, on le peut au moins par présomption, d'après certains indices. Lorsque l'esprit de quelqu'un qui nous est personnellement connu se manifeste, d'un parent ou d'un ami par exemple, surtout s'il est mort depuis peu de temps, il arrive, en général, que son langage est en rapport parfait avec le caractère que nous lui connaissions. C'est déjà un indice d'identité, mais le doute n'est presque plus permis quand cet esprit parle de choses privées, rappelle des circonstances de famille qui ne sont connues que de l'interlocuteur. Un fils ne se méprendra pas assurément du langage de son père et de sa mère, ni des parents, sur celui de l'enfant. Il se passe quelquefois, dans ces sortes d'évocations intimes, des choses saisissantes, de nature à convaincre le plus incrédule. Le sceptique le plus endurci est souvent terrifié des révélations inattendues qui lui sont faites. Une autre circonstance très caractéristique vient à l'appui de l'identité. Nous avons dit que l'écriture du médium change généralement avec l'esprit évoqué, et que cette écriture se reproduit exactement la même chaque fois que le même esprit se présente. On a constaté maintes fois que, pour les personnes mortes depuis peu surtout, cette écriture a une ressemblance frappante avec celle de la personne en son vivant. On a vu des signatures d'une exactitude parfaite. Nous sommes, du reste, loin de donner ce fait comme une règle et surtout comme constant. Nous le mentionnons comme une chose digne de remarque. Les esprits arrivés à un certain degré d'épuration sont seuls dégagés de toute influence corporelle. Mais, lorsqu'ils ne sont pas complètement dématérialisés, entre parenthèses, c'est l'expression dont ils se servent, fermez la parenthèse, ils conservent la plupart des idées, des penchants et même des manies qu'ils avaient sur la terre. Et c'est encore là un moyen de reconnaissance. Mais on en trouve surtout dans une foule de faits de détails que peut seul révéler une observation attentive et soutenue. On voit des écrivains discuter leurs propres ouvrages ou leurs doctrines, en approuver ou condamner une certaine partie, d'autres esprits rappeler des circonstances ignorées ou peu connues de leur vie ou de leur mort. Toutes choses, enfin, qui sont tout au moins des preuves morales d'identité. Les seules que l'on puisse invoquer, en fait, de choses abstraites. Si donc l'identité de l'esprit évoqué peut être, jusqu'à un certain point, établie dans quelques cas, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne le soit pas dans l'autre. Et si l'on n'a pas, pour les personnes dont la mort est plus ancienne, les mêmes moyens de contrôle, on a toujours celui du langage et du caractère. Car assurément, l'esprit d'un homme de bien ne parlera pas comme celui d'un homme pervers ou d'un débauché. Quant aux esprits qui se parent de noms remarquables, ils se trahissent bientôt par leur langage et leurs maximes. Celui qui se dirait Fénelon, par exemple, et qui blesserait, ne fût-ce qu'accidentellement, le bon sens et la morale montreraient par cela même la supercherie. Si, au contraire, les pensées qu'ils expriment sont toujours pures, sans contradiction et constamment à la hauteur du caractère de Fénelon, il n'y a pas de motif pour douter de son identité. Autrement, il faudrait supposer qu'un esprit qui ne prêche que le bien peut sciemment employer le mensonge, et cela sans utilité. L'expérience nous apprend que les esprits, du même degré, du même caractère et animés des mêmes sentiments, se réunissent en groupe et en famille. Or, le nombre des esprits est incalculable, et nous ne sommes loin de les connaître tous. La plupart même n'ont pas de nom pour nous. Un esprit de la catégorie de Fénelon peut donc venir en son lieu et place, souvent même envoyé par lui, comme mandataire. Il se présente sous son nom parce qu'il lui est identique et peut le suppléer, et parce qu'il nous faut un nom pour fixer nos idées. Mais qu'importe, en définitive, qu'un esprit soit réellement ou non celui de Fénelon. Du moment qu'il ne dit que de bonnes choses et qu'il parle comme l'aurait dit Fénelon lui-même, c'est un bon esprit. Le nom sous lequel il se fait connaître est indifférent et n'est souvent qu'un moyen de fixer nos idées. Il n'en saurait être de même dans les évocations intimes, mais là, comme nous l'avons dit, l'identité peut être établie par des preuves en quelque sorte patentes. Au reste, il est certain que la substitution des esprits peut donner lieu à une foule de méprises et qu'il peut en résulter des erreurs et souvent des mystifications. C'est là une difficulté du spiritisme pratique. Mais nous n'avons jamais dit que cette science fût une chose facile, ni qu'on pût l'apprendre en se jouant, pas plus qu'aucune autre science. Nous ne saurions trop le répéter. Elle demande une étude assidue et souvent fort longue. Ne pouvant provoquer les faits, il faut attendre qu'ils se présentent d'eux-mêmes, et souvent, ils sont amenés par les circonstances auxquelles on songe le moins. Pour l'observateur attentif et patient, les faits sont abondants, parce qu'il découvre des milliers de nuances caractéristiques qui sont, pour lui, des traits de lumière. Il en est ainsi dans les sciences vulgaires. Tandis que l'homme superficiel ne voit dans une fleur qu'une forme élégante, le savant y découvre des trésors pour la pensée. Grand 13. Les observations ci-dessus nous conduisent à dire quelques mots d'une autre difficulté, celle de la divergence qui existe dans le langage des esprits. Les esprits, étant très différents les uns des autres au point de vue des connaissances et de la moralité, il est évident que la même question peut être résolue dans un sens opposé, selon le rang qu'ils occupent, absolument comme si elle était posée parmi les hommes alternativement à un savant, à un ignorant ou à un mauvais plaisant. Le point essentiel, nous l'avons dit, est de savoir à qui l'on s'adresse. Mais ajoutons, comment se fait-il que les esprits reconnus pour être supérieurs ne soient pas toujours d'accord? Nous dirons d'abord qu'indépendamment de la cause que nous venons de signaler, il en est d'autres qui peuvent exercer une certaine influence sur la nature des réponses, abstraction faite de la qualité des esprits. Ceci est un point capital dont l'étude donnera l'explication. C'est pourquoi nous disons que ces études requièrent une attention soutenue, une observation profonde et surtout, comme du reste toutes les sciences humaines, de la suite et de la persévérance. Il faut des années pour faire un médiocre médecin et les trois quarts de la vie pour faire un savant, et l'on voudrait, en quelques heures, acquérir la science de l'infini. Qu'on ne s'y trompe donc pas. L'étude du spiritisme est immense. Elle touche à toutes les questions de la métaphysique et de l'ordre social. C'est tout un monde qui s'ouvre devant nous. Doit-on s'étonner qu'il faille du temps, et beaucoup de temps, pour l'acquérir? La contradiction, d'ailleurs, n'est pas toujours aussi réelle qu'elle peut le paraître. Ne voyons-nous pas tous les jours des hommes professant la même science variée dans la définition qu'ils donnent d'une chose, soit qu'ils emploient des termes différents, soit qu'ils l'envisagent sous un autre point de vue, quoique l'idée fondamentale soit toujours la même. Que l'on compte, si l'on peut, le nombre des définitions qui ont été données de la grammaire. Ajoutons encore que la forme de la réponse dépend souvent de la forme de la question. Il y aurait donc de la puérilité à trouver une contradiction là où il n'y a le plus souvent qu'une différence de mots. Les esprits supérieurs ne tiennent nullement à la forme. Pour eux, le fond de la pensée est tout. Prenons par exemple la définition de l'âme. Ce mot, n'ayant pas d'acception fixe, les esprits peuvent donc, ainsi que nous, différer dans la définition qu'ils en donnent. L'un pourra dire quel est le principe de la vie, un autre l'appeler étincelle anémique, un troisième dire qu'elle est interne, un quatrième qu'elle est externe, etc. Et tous auront raison à leur point de vue. On pourrait même croire que certains d'entre eux professent des théories matérialistes, et pourtant il n'en est rien. Il en est de même de Dieu. Ce sera le principe de toute chose, le créateur de l'univers, la souveraine intelligence, l'infini, le grand esprit, etc., etc. Et en définitive, ce sera toujours Dieu. Citons enfin la classification des esprits. Ils forment une suite non interrompue, depuis le degré inférieur jusqu'au degré supérieur. La classification est donc arbitraire, L'un pourra en faire 3 classes, un autre 5, 10 ou 20 à volonté, sans être pour cela dans l'erreur. Toutes les sciences humaines nous en offrent l'exemple. Chaque savant a son système. Les systèmes changent, mais la science ne change pas. Qu'on apprenne la botanique par le système de Linné, de Jussieu ou de Tournefort, on n'en saura pas moins la botanique. Cessons donc de donner aux choses de pure convention plus d'importance qu'elles n'en méritent pour nous attacher à ce qui est seul véritablement sérieux. Et souvent la réflexion fera découvrir dans ce qui semble le plus disparaître une similitude qui avait échappé à une première inspection. Grand 14. Nous passerions légèrement sur l'objection de certains sceptiques au sujet des fautes d'orthographe commises par quelques esprits, si elles ne devaient donner lieu à une remarque essentielle. Leur orthographe, il faut le dire, n'est pas toujours irréprochable, mais il faut être bien à court de raison pour en faire l'objet d'une critique sérieuse, en disant que, puisque les esprits savent tout, ils doivent savoir l'orthographe. Nous pourrions leur opposer les nombreux péchés de ce genre commis par plus d'un savant de la terre, ce qui n'ôte rien à leur mérite, mais il y a dans ce fait une question plus grave. Pour les esprits, et surtout pour les esprits supérieurs, l'idée est tout, la forme n'est rien. Dégagée de la matière, leur langage entre eux est rapide comme la pensée, puisque c'est la pensée qui se communique sans intermédiaire. Ils doivent donc se trouver mal à l'aise quand ils sont obligés, pour se communiquer à nous, de se servir des formes longues et embarrassées du langage humain, et surtout de l'insuffisance et de l'imperfection de ce langage pour rendre toutes les idées. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Aussi est-il curieux de voir les moyens qu'ils emploient souvent pour atténuer cet inconvénient. Il en serait ainsi de nous si nous avions à nous exprimer dans une langue plus longue dans ses mots et dans ses tournures, et plus pauvre dans ses expressions que celle dont nous faisons usage. C'est l'embarras qu'éprouve l'homme de génie, s'impatientant de la lenteur de sa plume qui est toujours en arrière de sa pensée. On conçoit d'après cela que les esprits attachent peu d'importance à la puérilité de l'orthographe, lorsqu'il s'agit surtout d'un enseignement grave et sérieux. N'est-il pas déjà merveilleux d'ailleurs qu'ils s'expriment indifféremment dans toutes les langues et qu'ils les comprennent toutes? Il ne faut pas en conclure de là pourtant, c'est que la correction conventionnelle du langage leur soit inconnue. Ils l'observent quand cela est nécessaire. C'est ainsi, par exemple, que la poésie dictée par eux défierait souvent la critique du plus méticuleux puriste, et cela, malgré l'ignorance du médium. Grand 15. Il y a ensuite des gens qui trouvent du danger partout et à tout ce qu'ils ne connaissent pas. Aussi, ne manque-t-il pas de tirer une conséquence défavorable de ce que certaines personnes, en s'adonnant à ces études, ont perdu la raison. Comment des hommes sensés peuvent-ils voir dans ce fait une objection sérieuse? N'en est-il pas de même de toutes les préoccupations intellectuelles sur un cerveau faible? Sait-on le nombre des fous et des maniaques produits par les études mathématiques, médicales, musicales, philosophiques et autres? Faut-il pour cela bannir ses études? Qu'est-ce que cela prouve? Par les travaux corporels, on s'estropie les bras et les jambes, qui sont les instruments de l'action matérielle. Pour les travaux de l'intelligence, on s'estropie le cerveau, qui est l'instrument de la pensée. Mais si l'instrument est brisé, l'esprit ne l'est pas pour cela. Il est intact, et lorsqu'il est dégagé de la matière, il n'en jouit pas moins de la plénitude de ses facultés. C'est dans son genre, comme homme, un martyr du travail. Toutes les grandes préoccupations de l'esprit peuvent occasionner la folie. Les sciences, les arts, la religion, même fournissent leur contingent. La folie a pour cause première une prédisposition organique du cerveau qui le rend plus ou moins accessible à certaines impressions. Étant donné une prédisposition à la folie, celle-ci prendra le caractère de la préoccupation principale qui devient alors une idée fixe. Cette idée fixe pourra être celle des esprits chez celui qui s'en est occupé, comme elle pourra être celle de Dieu, des anges, du diable, de la fortune, de la puissance, d'un art, d'une science, de la maternité, d'un système politique social. Il est probable que le fou religieux fût devenu un fou spirit, si le spiritisme eût été sa préoccupation dominante, comme le fou spirit l'eût été sous une autre forme suivant les circonstances. Je dis donc que le spiritisme n'a aucun privilège sous ce rapport, mais je vais plus loin. Je dis que, bien compris, c'est un préservatif contre la folie. Parmi les causes les plus nombreuses de surexcitation cérébrale, il faut compter les déceptions, les malheurs, les affections contrariées, qui sont en même temps les causes les plus fréquentes de suicide. Or, le vrai spirit voit les choses de ce monde d'un point de vue si élevé, elles lui paraissent si petites, si mesquines auprès de l'avenir qui l'attend. La vie est pour lui si courte, si fugitive, que les tribulations ne sont à ses yeux que les incidents désagréables d'un voyage. Ce qui, chez un autre, produirait une violente émotion, l'affecte médiocrement. Il sait d'ailleurs que les chagrins de la vie sont des épreuves qui servent à son avancement s'il les subit sans murmure, parce qu'il sera récompensé selon le courage avec lequel il les aura supportés. Ses convictions lui donnent donc une résignation qui le préserve du désespoir et, par conséquent, d'une cause incessante de folie et de suicide. Il sait en outre, par le spectacle que lui donnent les communications avec les esprits, le sort de ceux qui abrègent volontairement leur jour, et ce tableau est bien fait pour le faire réfléchir. Aussi, le nombre de ceux qui ont été arrêtés sur cette pente funeste est-il considérable. C'est là un des résultats du spiritisme, que les incrédules en rient tant qu'ils voudront. Je leur souhaite les consolations qu'ils procurent à tous ceux qui se sont donné la peine d'en sonder les mystérieuses profondeurs. Au nombre des causes de folie, il faut encore placer la frayeur, et celle du diable a dérangé plus d'un cerveau. Sait-on le nombre de victimes que l'on a faites en frappant de faibles imaginations avec ce tableau que l'on s'ingénie à rendre plus effrayant par de hideux détails? Le diable, dit-on, n'effraie que les petits enfants. C'est un frein pour les rendre sages, oui, comme Croque-Mitaine et le loup-garou. Et quand ils n'en ont plus peur, ils sont pires qu'avant. Et pour ce beau résultat, on ne compte pas le nombre des épilepsies causées par l'ébranlement d'un cerveau délicat. La religion serait bien faible si, faute de crainte, sa puissance pouvait être compromise. Heureusement, il n'en est pas ainsi. Elle a d'autres moyens d'agir sur les âmes. Le spiritisme lui en a fourni de plus efficaces et de plus sérieux, si elle sait les mettre à profit. Il montre la réalité des choses et par là neutralise les funestes effets d'une crainte exagérée. Grand 16. Il nous reste à examiner deux objections, les seules qui méritent véritablement ce nom, parce qu'elles sont basées sur des théories raisonnées. L'une et l'autre admettent la réalité de tous les phénomènes, matériels et moraux, mais elles excluent l'intervention des esprits. Selon la première de ces théories, toutes les manifestations attribuées aux esprits ne seraient autre chose que des effets magnétiques. Les médiums seraient dans un état qu'on pourrait appeler somnambulisme éveillé, phénomène dont toute personne qui a étudié le magnétisme a pu être témoin. Dans cet état, les facultés intellectuelles acquièrent un développement anormal. Le cercle des perceptions intuitives s'étend hors des limites de notre conception ordinaire. Dès lors, le médium puiserait en lui-même et par le fait de sa lucidité, tout ce qu'il dit et toutes les notions qu'il transmet, même sur les choses qui lui sont le plus étrangères, dans son état habituel. Ce n'est pas nous qui contestons la puissance du somnambulisme dont nous avons vu les prodigues et étudié toutes les phases pendant plus de 35 ans. Nous convenons qu'en effet, beaucoup de manifestations spirites peuvent s'expliquer par ce moyen. Mais une observation soutenue et attentive montre une foule de faits ou de l'intervention du médium autrement que comme instrument passif est matériellement impossible. À ceux qui partagent cette opinion, nous dirons comme aux autres, ouvrez les guillemets, voyez et observez, car assurément vous n'avez pas tout vu, fermez les guillemets. Nous leur opposerons ensuite deux considérations tirées de leur propre doctrine. D'où est venue la théorie spirite? Est-ce un système imaginé par quelques hommes pour expliquer les faits? Nullement. Qui donc l'a révélée? Précisément ces mêmes médiums dont vous exaltez la lucidité. Si donc cette lucidité est telle que vous la supposez, pourquoi auraient-ils attribué à des esprits ce qu'ils auraient puisé en eux-mêmes? Comment auraient-ils donné ces renseignements si précis, si logiques, si sublimes sur la nature de ces intelligences extra-humaines? De deux choses l'une, ou ils sont lucides, ou ils ne le sont pas. Ouvrez les guillemets. S'ils le sont, et si l'on a confiance en leur véracité, on ne saurait sans contradiction admettre qu'ils ne sont pas dans le vrai. En second lieu, si tous les phénomènes avaient leur source dans le médium, ils seraient identiques chez le même individu, et l'on ne verrait pas la même personne tenir un langage disparate, ni exprimer tour à tour les choses les plus contradictoires. Ce défaut d'unité dans les manifestations obtenues par le médium prouve la diversité des sources, si donc on ne peut les trouver toutes dans le médium. Il faut bien les chercher hors de lui. Selon une autre opinion, le médium est bien la source des manifestations, mais au lieu de l'épuiser en lui-même, ainsi que le prétendent les artisans de la théorie somnambulique, il l'épuise dans le milieu ambiant. Le médium serait ainsi une sorte de miroir reflétant toutes les idées, toutes les pensées et toutes les connaissances des personnes qui l'entourent. Il ne dirait rien qui ne soit connu au moins de quelques-unes. On ne saurait nier, et c'est là un principe de la doctrine, l'influence exercée par les assistants sur la nature des manifestations. Mais cette influence est tout autre que celle qu'on suppose exister. Et de là à ce que le médium soit l'écho de leurs pensées, il y a fort loin. Car des milliers de faits établissent péremptoirement le contraire. C'est donc là une erreur grave, qui prouve une fois de plus le danger des conclusions prématurées. Ces personnes, ne pouvant nier l'existence d'un phénomène dont la science vulgaire ne peut rendre compte et ne voulant pas admettre la présence des esprits, l'expliquent à leur manière. Leur théorie serait spécieuse et elle pouvait embrasser tous les faits, mais il n'en est point ainsi. Lorsqu'on leur démontre jusqu'à l'évidence que certaines communications du médium sont complètement étrangères aux pensées, aux connaissances, aux opinions même de tous les assistants, que ces communications sont souvent spontanées et contredisent toutes les idées préconçues, elles ne sont pas arrêtées pour si peu de choses. Le rayonnement, disent-elles, s'étend bien au-delà du cercle immédiat qui nous entoure. Le médium est le reflet de l'humanité tout entière, de telle sorte que, s'il ne puise pas ses inspirations à côté de lui, il va les chercher au dehors, dans la ville, dans la contrée, dans tout le globe et même dans les autres sphères. Je ne pense pas que l'on trouve dans cette théorie une explication plus simple et plus probable que celle du spiritisme, car elle suppose une cause bien autrement merveilleuse. L'idée que des êtres peuplant les espaces et qui, étant en contact permanent avec nous, nous communiquent leurs pensées, n'a rien qui choque plus la raison que la supposition de ce rayonnement universel venant de tous les points de l'univers, concentré dans le cerveau d'un individu. Encore une fois, et c'est là un point capital sur lequel nous ne saurions trop insister, la théorie somnambulique et celle qu'on pourrait appeler réflexive ont été imaginées par quelques hommes. Ce sont des opinions individuelles créées pour expliquer un fait, tandis que la doctrine des esprits n'est point de conception humaine. Elle a été dictée par les intelligences mêmes, qui se manifestent alors que nul n'y songeait, que l'opinion générale même la repoussait. Or, nous demandons, où les médiums ont-ils puisé une doctrine qui n'existait dans la pensée de personne sur la terre? Nous demandons, en outre, par quelle étrange coïncidence, des milliers de médiums disséminés sur tous les points du globe, qui ne se sont jamais vus, s'accordent pour dire la même chose. Si le premier médium qui parut en France a subi l'influence d'opinions déjà accréditées en Amérique, par quelle bizarrerie a-t-il été chercher ses idées à 2000 lieues au-delà des mers, chez un peuple étrange, de mœurs et de langage, au lieu de les prendre autour de lui? Mais il est une autre circonstance à laquelle on n'a point assez songé. Les premières manifestations, en France comme en Amérique, n'ont eu lieu ni par l'écriture, ni par la parole, mais par les coups frappés concordant avec les lettres de l'alphabet, et formant des mots et des phrases. C'est par ce moyen que les intelligences qui se sont révélées ont déclaré être des esprits. Si donc on pouvait supposer l'intervention de la pensée des médiums dans les communications verbales ou écrites, il ne saurait en être ainsi des coups frappés, dont la signification ne pouvait être connue d'avance. Nous pourrions citer nombre de faits qui démontrent, dans l'intelligence qui se manifeste, une individualité évidente et une indépendance absolue de volonté. Nous renvoyons donc les dissidents à une observation plus attentive, et s'ils veulent bien étudier sans prévention et ne pas conclure avant d'avoir tout vu, ils reconnaîtront l'impuissance de leur théorie pour rendre raison de tout. Nous nous bornerons à poser les questions suivantes. Pourquoi l'intelligence qui se manifeste, quelle qu'elle soit, refuse-t-elle de répondre à certaines questions sur des sujets parfaitement connus, comme par exemple sur le nom ou l'âge de l'interrogateur, sur ce qu'il a dans la main, ce qu'il a fait la veille, son projet du lendemain, etc. Si le médium est le miroir de la pensée des assistants, rien ne lui serait plus aisé que de répondre. Les adversaires rétorquent l'argument en demandant à leur tour pourquoi des esprits, qui doivent tout savoir, ne peuvent dire des choses aussi simples selon l'axiome de points « qui peut le plus peut le moins ». Fermez les points. D'où il conclut que ce ne sont pas des esprits. Si un ignorant ou un mauvais plaisant, se présentant devant une docte assemblée, demandait, par exemple, pourquoi il fait jour en plein midi, croit-on qu'elle se donna la peine de répondre sérieusement? Et serait-il logique de conclure de son silence, ou des railleries dont elle gratifierait le questionneur, que ses membres ne sont que des ânes? Or, c'est précisément parce que les esprits sont supérieurs qu'ils ne répondent pas à des questions oiseuses et ridicules et ne veulent pas être mis sur la sellette. C'est pourquoi ils se taisent ou disent s'occuper de choses plus sérieuses. Nous demanderons enfin pourquoi les esprits viennent et s'en vont souvent à un moment donné et pourquoi, ce moment passé, il n'y a ni prière ni supplication qui puisse les ramener. Si les médiums n'agissaient que par l'impulsion mentale des assistants, il est évident que, dans cette circonstance, le concours de toutes les volontés réunies devrait stimuler sa clairvoyance. Si donc il ne cède pas au désir de l'assemblée, corroboré par sa propre volonté, c'est qu'il obéit à une influence étrangère à lui-même et à ceux qui l'entourent, et que cette influence accuse par là son indépendance et son individualité. Grand 17. Le scepticisme, touchant la doctrine spirite, alors qu'il n'est pas le résultat d'une opposition systématique intéressée, a presque toujours sa source dans une connaissance incomplète des faits, ce qui n'empêche pas certains gens de trancher la question comme s'ils la connaissaient parfaitement. On peut avoir beaucoup d'esprit, de l'instruction même, et manquer de jugement. Or, le premier indice d'un défaut dans le jugement, c'est de croire le sien infaillible. Beaucoup de personnes, ainsi, ne voient dans les manifestations spirites qu'un objet de curiosité. Nous espérons que, par la lecture de ce livre, elles trouveront dans ces phénomènes étranges autre chose qu'un simple passe-temps. La science spirite comprend deux parties. L'une extrêmement expérimentale sur les manifestations en général, l'autre philosophique sur les manifestations intelligentes. Quiconque n'a observé que la première est dans la position de celui qui ne connaîtrait la physique que par des expériences récréatives, sans avoir pénétré dans le fond de la science. La véritable doctrine spirite est dans l'enseignement donné par les esprits, et les connaissances que cet enseignement comporte sont trop graves pour pouvoir être acquises autrement que par une étude sérieuse et suivie, faite dans le silence et le recueillement. Car, dans cette condition seule, on peut observer un nombre infini de faits et de nuances qui échappent à l'observateur superficiel et permettent d'asseoir une opinion. Ce livre n'aurait-il pour résultat que de montrer le côté sérieux de la question et de provoquer des études dans ce sens, ce serait déjà beaucoup. Et nous nous applaudirions d'avoir été choisis pour accomplir une œuvre dont nous ne prétendons, du reste, nous faire aucun mérite personnel, puisque les principes qu'il renferme ne sont pas de notre création. Le mérite en est donc tout entier aux esprits qui l'ont dicté. Nous espérons qu'il aura un autre résultat, c'est de guider les hommes désireux de s'éclairer, en leur montrant, dans ses études, un but grand et sublime, celui du progrès individuel et social, et de leur indiquer la route à suivre pour l'atteindre. Terminons par une dernière considération. Des astronomes, en sondant les espaces, ont trouvé, dans la répartition des corps célestes, des lacunes non justifiées et en désaccord avec les lois de l'ensemble. Ils ont soupçonné que ces lacunes devaient être remplies par des globes échappés à leur regard. D'un autre côté, ils ont observé certains effets dont la cause leur était inconnue et ils se sont dit, deux points, là, il doit y avoir un monde, car cette lacune ne peut exister et ces effets doivent avoir une cause. Deux points, fermé. Jugeant alors de la cause par l'effet, ils en ont pu calculer les éléments, et plus tard, les faits sont venus justifier leurs prévisions. Appliquons ce raisonnement à un autre ordre d'idées. Si l'on observe la série des êtres, on trouve qu'ils forment une chaîne sans solution de continuité, depuis la matière brute jusqu'à l'homme le plus intelligent. Mais, entre l'homme et Dieu, qui est l'alpha et l'oméga de toute chose? Quelle immense lacune! Est-il rationnel de penser qu'à lui s'arrêtent les anneaux de cette chaîne, qu'il franchisse sans transition la distance qui le sépare de l'infini? La raison nous dit qu'entre l'homme et Dieu, il doit y avoir d'autres échelons, comme elle l'a dit aux astronomes qu'entre les mondes connus, il devait y avoir des mondes inconnus. Quelle est la philosophie qui a comblé cette lacune? Le spiritisme nous le montre rempli par les êtres de tous rangs du monde invisible. Et ces êtres ne sont autres que les esprits des hommes arrivés aux différents degrés qui conduisent à la perfection. Alors, tout se lie, tout s'enchaîne, depuis l'alpha jusqu'à l'oméga. Vous qui niez l'existence des esprits, remplissez donc le vide qu'ils occupent. Et vous qui en riez, osez donc rire des œuvres de Dieu et de sa toute-puissance. Propos de l'introduction, écrit par et pensé par Allan Kardec lui-même. Prolégomène. Des phénomènes qui sortent des lois de la science vulgaire se manifestent de toutes parts et révèlent dans leur cause l'action d'une volonté libre et intelligente. La raison dit qu'un effet intelligent doit avoir pour cause une puissance intelligente, et des faits ont prouvé que cette puissance peut entrer en communication avec les hommes par des signes matériels. Cette puissance, interrogée sur sa nature, a déclaré appartenir au monde des êtres spirituels qui ont dépouillé l'enveloppe corporelle de l'homme. C'est ainsi que fut révélée la doctrine des esprits. Les communications entre le monde spirit et le monde corporel sont dans la nature des choses et ne constituent aucun fait surnaturel. C'est pourquoi on en trouve les traces chez tous les peuples et à toutes les époques. Aujourd'hui, elles sont générales et patentes pour tout le monde. Les esprits annoncent que les temps marqués par la Providence pour une manifestation universelle sont arrivés, et qu'étant les ministres de Dieu et les agents de sa volonté, leur mission est d'instruire et d'éclairer les hommes en ouvrant une nouvelle ère pour la régénération de l'humanité. Ce livre est le recueil de leurs enseignements. Il a été écrit par l'ordre et sous la dictée d'esprits supérieurs pour établir les fondements d'une philosophie rationnelle, dégagée des préjugés de l'esprit de système. Il ne renferme rien qui ne soit l'expression de leurs pensées et qui n'ait subi leur contrôle. L'ordre est la distribution méthodique des matières, ainsi que les remarques et la forme de quelques parties de la rédaction sont seules l'œuvre de celui qui a reçu mission de le publier. Dans le nombre des esprits qui ont concouru à l'accomplissement de cette œuvre, plusieurs ont vécu à diverses époques sur la terre où ils ont prêché et pratiqué la vertu et la sagesse. D'autres n'appartiennent, par leur nom, à aucun personnage dont l'histoire ait gardé le souvenir. Mais leur élévation est attestée par la pureté de leur doctrine et leur union avec ceux qui portent des noms vénérés. Voici les termes dans lesquels ils ont donné par écrit et par l'intermédiaire de plusieurs médiums la mission d'écrire ce livre. Ouvrez les guillemets. Occupe-toi avec zèle et persévérance du travail que tu as entrepris avec notre concours, car ce travail est le nôtre. Nous y avons posé les bases du nouvel édifice qui s'élève et doit un jour réunir tous les hommes dans un même sentiment d'amour et de charité. Mais avant de le répandre, nous le reverrons ensemble afin d'en contrôler tous les détails. Nous serons avec toi toutes les fois que tu le demanderas et pour t'aider dans tes autres travaux, car ce n'est là qu'une partie de la mission qui t'est confiée et qui t'a déjà été révélée par l'un de nous. Dans le nombre des enseignements qui te sont donnés, il en est que tu dois garder pour toi seul jusqu'à nouvel ordre. Nous t'indiquerons quand le moment de les publier sera venu. En attendant, médite-les afin d'être prêt quand nous te le dirons. Tu mettras en tête du livre le cep de vigne que nous t'avons dessiné. Le cep ci-dessus est le fac-similé de celui qui a été dessiné par les esprits. Fermez la parenthèse. Parce qu'il est l'emblème du travail du Créateur. Tous les principes matériels qui peuvent le mieux représenter le corps et l'esprit s'y trouvent réunis. Le corps, c'est le cep. L'esprit, c'est la liqueur. L'âme ou l'esprit uni à la matière, c'est le grain. L'homme, quintessencie l'esprit par le travail, et tu sais que ce n'est que par le travail du corps que l'esprit acquiert des connaissances. Ne te laisse pas décourager par la critique. Tu trouveras des contradicteurs acharnés, surtout parmi des gens intéressés aux abus. Tu en trouveras même parmi les esprits, car ceux qui ne sont pas complètement dématérialisés cherchent souvent à semer le doute par malice ou par ignorance. Mais va toujours. Crois en Dieu et marche avec confiance. Nous serons là pour te soutenir, et le temps est proche où la vérité éclatera de toutes parts. La vanité de certains hommes qui croient tout savoir et veulent tout expliquer, à leur manière, fera naître des opinions dissidentes. Mais tous ceux qui auront vu le grand principe de Jésus se confondront dans le même sentiment de l'amour du bien et s'uniront par un lien fraternel qui embrassera le monde entier. Ils laisseront de côté les misérables disputes de mots pour ne s'occuper que de choses essentielles. Et la doctrine sera toujours la même. Quant au fond, pour tous ceux qui recevront les communications des esprits supérieurs. C'est avec la persévérance que tu parviendras à recueillir le fruit de tes travaux. Le plaisir que tu éprouveras en voyant la doctrine se propager et bien comprise te sera une récompense dont tu connaîtras toute la valeur, peut-être plus dans l'avenir que dans le présent. Ne t'inquiète donc pas des ronces et des pierres que des incrédules ou des méchants sèmeront sur ta route. Conserve la confiance. Avec la confiance, tu parviendras au but et tu mériteras d'être toujours aidé. Souviens-toi que les bons esprits n'assistent que ceux qui servent Dieu avec humilité et désintéressement et qu'ils répudient quiconque cherche dans la voie du ciel un marchepied pour les choses de la terre. Ils se retirent de l'orgueilleux et de l'ambitieux. L'orgueil et l'ambition seront toujours une barrière entre l'homme et Dieu. C'est un voile jeté sur les célestes clartés, et Dieu ne peut se servir de l'aveugle pour faire comprendre la lumière. Propos écrits et recueillis dans Saint Jean l'Évangéliste, Saint Jean, Saint Augustin, Saint Vincent de Paul, Saint Louis, l'Esprit de Vérité, Socrate, Platon, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc.